vieilles, plus tristes que les injustices. Et c'est triste, comme un amour qui se meurt sur une plage en novembre. Et c'est triste, triste à coucher dehors, triste à crever d'ennui. Et c'est triste, comme que les bars sans son clochard, comme un gamin sans rien. Et c'est triste, comme une tisane sur toile cirée, comme un dimanche à la télé. Et c'est triste, comme un couloir d'hôpital, comme une odeur d'hospice, comme une chambre d'hôtel, comme la solitude au bordel. Scarface, un doigt sur une gâchette.